explose comme des bombes. Toujours là, toujours prêt à tuer. Va falloir les arrêter. Les plus forts, les plus courageux, mais aussi les plus valeureux. Les puissances intersidérales, naissantes pour le combat final. Mais jamais personne ne pourra les arrêter. Car ils ont pour eux la force et l'amitié. Plus fort que les dieux, plus fort que les éléments. Sur le front, en première ligne, toujours devant. C'est parti pour l'attaque spéciale. Nos héros se relèvent, c'est normal. Ils encaissent mieux que les chevaliers. Les méchants vont se faire éclater. C'est parti pour l'attaque spéciale. Nos héros se relèvent, c'est normal. Ils encaissent mieux que les chevaliers. Les méchants vont se faire éclater. Biotechnique, guerre électronique, attaque psychique, cybernétique, monstride, rusé et vicieux, hypercuté, boule de feu, une minute, un jour, une année, ils n'abandonneront jamais. Les démons des forces infernales sont prêts pour le combat fatal. Jamais personne ne pourra les arrêter. Car ils ont pour eux la force et l'amitié. Plus fort que les dieux, plus fort que les éléments. Sur le front, en première ligne, toujours devant. C'est parti pour l'attaque spéciale. Nos héros se relèvent, c'est normal. Ils encaissent mieux que les chevaliers. Les méchants vont se faire éclater. C'est parti pour l'attaque spéciale. Nos héros se relèvent, c'est normal. Ils encaissent mieux que les chevaliers. Les méchants vont se faire éclater.